Josué chapitre 10. Or quand Adonitsédek, roi de Jérusalem, eut entendu que Josué avait pris Haï, et qu'il l'avait entièrement détruite à la façon de l'interdit, ayant fait à Haï à son roi, comme il avait fait à Jéricho et à son roi, et que les habitants de Gabaon, avaient fait la paix avec les Israélites, et étaient parmi eux, on craignait beaucoup, parce que Gabaon était une grande ville, comme une ville royale, et elle était plus grande que Haï, et parce que tous ces hommes étaient forts. C'est pourquoi Adonitsédek, roi de Jérusalem, envoya vers Horam roi d'Hébron, et vers Birem, roi de Jarmuth, et vers Japhia, roi de Laki, et vers Débir, roi d'Églon, pour leur dire, « Montez vers moi, et donnez-moi du secours afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué, et avec les enfants d'Israël. » Ainsi cinq rois des Amoréens, savoir, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Laki, et le roi d'Églon, s'assemblèrent et montèrent eux et toutes leurs armées, et se campèrent contre Gabaon, et lui firent la guerre. C'est pourquoi ceux de Gabaon envoyèrent à Josué au camp à Gilgal, en disant, « Ne retire point tes mains de tes serviteurs, monte promptement vers nous, et nous garantis, et donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent aux montagnes, se sont assemblés contre nous. » Josué donc monta de Gilgal, et avec lui tout le peuple qui était propre à la guerre, et tous les hommes forts et vaillants. Et l'Éternel dit à Josué, « Ne les crains point, car je les ai livrés entre tes mains, et aucun d'eux ne subsistera devant toi. » Josué donc vint promptement à eux, et monta de Gilgal toute la nuit. Et l'Éternel les mit en déroute devant Israël, qui en fit un grand carnage près de Gabaon, et les poursuivit par le chemin de la montagne de Beth-Horon, et les baptise jusqu'à Azeka, et jusqu'à Makeda. Et comme ils s'enfuyaient de devant Israël, et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel jeta des cieux sur eux de grosses pierres jusqu'à Azeka, dont ils moururent, et il y en eut encore plus de ceux qui moururent des pierres de grêle, que de ceux que les enfants d'Israël tuèrent avec l'épée. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour que l'Éternel livre à l'Amoréen aux enfants d'Israël, et dit en la présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune, sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta, et la lune aussi s'arrêta, jusqu'à ce que le peuple se fût vengé de ses ennemis. Ceci n'est-il pas écrit au livre du droiturier? Le soleil donc s'arrêta au milieu des cieux, et ne se hâta point de se coucher environ un jour entier. Et il n'y a point eu de jour semblable à celui-là, devant ni après, l'Éternel exauçant la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour les Israélites. Et Josué et tout Israël avec lui, s'en retourna au camp à Gilgal. Au reste ces cinq rois-là s'étaient enfuis, et s'étaient cachés dans une caverne à Makeda. Et on avait rapporté à Josué, en disant, on a trouvé les cinq rois cachés dans une caverne à Makeda. Et Josué avait dit, roulez de grandes pierres à l'entrée de la caverne, mettez près d'elle quelques hommes pour les garder. Mais vous, ne vous arrêtez point, poursuivez vos ennemis, et les défaites jusqu'au dernier, et ne les laissez point entrer dans leur ville, car l'Éternel votre Dieu les a livrés en vos mains. Et quand Josué avec les enfants d'Israël, eut achevé d'en faire une très grande boucherie, jusqu'à les détruire entièrement, et que ceux d'entre eux qui étaient échappés se furent retirés dans les villes fermées de murailles, tout le peuple retourna en paix au camp vers Josué à Makeda, et personne ne remua sa langue contre aucun des enfants d'Israël. Alors Josué dit, « Ouvrez l'entrée de la caverne, et amenez-moi ces cinq rois hors de la caverne. » Et ils le firent ainsi, et ils amenèrent hors de la caverne ces cinq rois, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Laki et le roi d'Églon. Et après qu'ils eurent amené à Josué, ces cinq rois hors de la caverne, Josué appela tous les hommes d'Israël, et dit aux capitaines des gens de guerre qui étaient allés avec lui, « Approchez-vous, mettez vos pieds sur le cou de ces rois, » et ils s'approchèrent, et mirent leurs pieds sur leur cou. Alors Josué leur dit, « Ne craignez point, et ne soyez point effrayés, fortifiez-vous, et vous renforcez, car l'Éternel fera ainsi à tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. » Et après cela Josué les frappa, et les fit mourir, et les fit pendre à 5 potences, et ils demeurèrent pendus à 6 potences jusqu'au soir. Et comme le soleil se couchait, Josué fit commandement qu'on les ôta de 6 potences, et on les jeta dans la caverne où ils s'étaient cachés, et on mit à l'entrée de la caverne 2 grandes pierres, qui y sont demeurées jusqu'à ce jour. Josué prit aussi en ce même jour Makkéda, et la frappa au tranchant de l'épée, et défit à la façon de l'interdit son roi et ses habitants, et ne laissa échapper aucune personne qui fût dans cette ville, et il fit au roi de Makkéda, comme il avait fait au roi de Jéricho. Après cela Josué et tout Israël avec lui passa de Makkéda à Libna, et fit la guerre à Libna. Et l'Éternel la livra aussi entre les mains d'Israël, avec son roi, et il la frappa au tranchant de l'épée, et ne laissa échapper aucune personne qui fût dans cette ville, et il fit à son roi comme il avait fait au roi de Jéricho. Ensuite Josué et tout Israël avec lui passa de Libna à Laki, et se campa devant elle, et lui fit la guerre. Et l'Éternel livra Laki entre les mains d'Israël, qu'il a pris le 2e jour, et la frappa au tranchant de l'épée, et toutes les personnes qui étaient dedans, comme il avait fait à Libna. Alors Oram roi de Gézer monta pour secourir Laki, et Josué le frappa, lui et son peuple, de sorte qu'il n'en laissa pas échapper un seul homme. Après cela Josué et tout Israël avec lui passa de Laki à Églon, et ils se campèrent devant elle, et lui firent la guerre, et ils la prirent ce jour-là même, et la frappèrent au tranchant de l'épée, et Josué défit à la façon de l'interdit en ce même jour-là toutes les personnes qui étaient, comme il avait fait à Laki. Puis Josué et tout Israël avec lui monta d'Églon à Hébron, et ils lui firent la guerre. Et ils la prirent, et la frappèrent au tranchant de l'épée, avec son roi, et toutes ses villes, et toutes les personnes qui étaient, il n'en laissa échapper aucune, comme il avait fait à Églon, et il la défit à la façon de l'interdit, et toutes les personnes qui étaient. Ensuite Josué et tout Israël avec lui rebroussa chemin vers Débir, et ils lui firent la guerre. Et il la prit avec son roi, et toutes ses villes, et ils les frappèrent au tranchant de l'épée, et défirent à la façon de l'interdit toutes les personnes qui étaient, il n'en laissa échapper aucune. Il fit à Débir et à son roi comme il avait fait à Hébron, et comme il avait fait à Libna et à son roi. Josué donc frappa tout ce pays-là, la montagne, et le midi, et la plaine, et les pentes des montagnes, et tous leurs rois, il n'en laissa échapper aucun, et il défit à la façon de l'interdit toutes les personnes vivantes, comme l'Éternel le Dieu d'Israël, l'avait commandé. Ainsi Josué, les bâtit depuis Kadesh Barnea jusqu'à Gaza, et tout le pays de Gozan, jusqu'à Gabaon. Il prit donc tout à la fois ces rois-là et leur pays, parce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Après quoi Josué et tout Israël avec lui s'en retournèrent au camp à Gilgal.